franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, le mystère Caton ou la plume sous le masque, avec pour une fois le parti d'en rire, ou au moins d'en sourire. L'histoire que nous allons vous raconter est en effet l'une des plus affriolantes de la série Affaires sensibles. Ne traînant ni son cortège de morts, de blessés, encore moins de souffrances, le dossier Caton est une histoire surprenante qui révèle à quel point la politique peut être parfois facétieuse, avec une vraie surprise, vous verrez, en milieu de récit. Cette affaire se déroule en 1983. Cette année-là, le petit monde politique et médiatique, puis rapidement une grande partie du public, est secoué par une étrange mystification. Oui, en janvier, alors que François Mitterrand et la gauche sont au pouvoir, un homme politique de droite important publie sous le nom d'emprunt du politicien romain Caton un livre à charge contre son propre camp. Intitulé « De la reconquête », l'ouvrage fait parler tout le monde et tout le monde se pose la question. Mais qui se cache derrière ce pseudo Caton? Et pourquoi? Quel est le but de la manœuvre? Enfin, pour qui roule celui ou celle qui a commis ce livre? S'inviter à ce bal masqué chez les politiques, c'est se plonger dans les coulisses du pouvoir et des médias à un moment charnière, celui du tournant de la rigueur où les illusions socialistes s'épuisent sur la dure réalité économique. Un temps où l'on se dit également que des livres, oui des livres, peuvent changer le cours des choses, avoir une influence au-delà de la polémique et de la petite phrase. En seconde partie d'émission, nous recevrons André Bercoff, journaliste, écrivain, producteur. Il a tenu un rôle majeur dans cette histoire qu'il éclairera pour nous. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Emmanuel Fournier, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Éric Morin. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Bonsoir à tous. Voici le 115e numéro d'Apostrophe des regards drôles et ironiques sur l'histoire. À ma droite, Philippe de Comines, vous savez, c'est un mémorialiste historien de Louis XI, qui a publié très récemment chez Pierre Belfond les 180 jours de Mitterrand. Il y a une sorte d'anachronisme là-dedans. Ben, la raison est simple, c'est que Philippe de Comines, c'est un pseudonyme. Derrière le cache, se cache un auteur. Alors, qui est Philippe de Comines? Ben, j'espère que nous le saurons, j'espérais même le savoir d'ores et déjà, mais parce que je l'ai invité, et son éditeur Pierre Belfond m'a dit il y a une heure qu'il viendrait. Alors, ben, donc, nous l'attendons. J'espère qu'il viendra. Pour toute affaire littéraire des années 70 et 80 digne de ce nom, c'est l'émission Apostrophe de Bernard Pivot qui tient lieu de tribune. Ce 23 septembre 1977, comme tous les vendredis soirs à 21h30 sur Antenne 2, les Français ont rendez-vous avec l'émission culturelle phare de l'époque. Mais ce soir-là offre une petite originalité. À la droite de Bernard Pivot, en lieu et place d'un invité, on découvre une photo 4x3 de Philippe de Comines, histoire de signifier l'absence de l'auteur caché derrière ce nom d'emprunt. Il faut dire que l'époque était la mystification littéraire. L'affaire Gary Ajar, que nous vous avons racontée il y a 2 ans dans Affaires sensibles, en est la plus belle illustration. Là, en septembre 77, l'auteur masqué vient de publier un essai de politique fiction sur l'arrivée de la gauche au pouvoir. Salué par la critique et le monde politique pour son style et son efficacité, le mystérieux écrivain imagine la victoire des socialistes aux législatives de 78 et leur départ après 6 mois de cohabitation. C'est une époque où beaucoup à droite se refusent même d'imaginer que les gens de gauche puissent gérer le pays, une incongruité pour eux, la France en danger, les chars russes à Paris et autres bêtises véhiculées parfois même par de hauts responsables politiques. Quelques mois auparavant, aux élections municipales de 77, le programme commun des socialistes et des communistes avait remporté une victoire historique. La présidence de Valéry Giscard d'Estaing rencontrait de sérieuses difficultés, choc pétrolier oblige, et la perspective d'une victoire de la gauche aux prochaines législatives devenait envisageable. Alors, l'auteur masqué, cette année-là, Philippe de Comines, dessine les contours de ce scénario historique, avec un objectif clairement affiché. Envisager les difficultés à venir du socialisme confronté à l'épreuve de vérité, déconstruire les peurs et les menaces brandies par la droite face à une telle rupture. bien renseigné, notamment en confidence du petit monde politique, sérieux dans la prospective économique, caustique sur le ton, l'auteur intrigue et fait parler du palais Bourbon jusqu'aux salles de rédaction. Qui se cache derrière ce Philippe de Comines? Et c'est ainsi que le 23 septembre 1977, dans Apostrophe, le masque tombe. Ah, qu'est-ce qui est? C'est Monsieur Philippe de Comines? Ah, bah si Monsieur Philippe de Comines veut venir, si vous voulez prendre place. Ah, mais c'est Monsieur Berkoff! Je reconnais Monsieur Berkoff. Vous connaissez? Sur la liste des 15. Bah si vous voulez vous asseoir là. Des 25. La liste des 25, 15 ou 25, bah asseyez-vous là. Alors, André Berkoff, bah vous présentez, vous êtes journaliste. Bah écoutez, je vous connais un petit peu, vous êtes journaliste, écrivain, vous êtes éditeur. Entre autres, oui. Entre autres. Alors, vous êtes, donc c'est vous, vous l'avouez, c'est sûr, c'est bien vous, hein? C'est bien moi. C'est bien vous. Pas seul. Ah, vous n'êtes pas seul? Non, non. Bon, alors d'abord, pourquoi un pseudonyme? Un pseudonyme, pour une raison d'abord fondamentale, c'est qu'on ne voulait pas être, et ça c'est très important, être récupéré. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler politique et dire tout haut ce que beaucoup d'états-majors pensent tout bas, en ne s'avançant pas masqué? Qui est André Berkoff? Né au Liban en 1940, il embrasse très tôt la carrière de journaliste, d'abord pour deux quotidiens béroutins, puis à Paris, où il débarque en 1966. Il écrit pour Jeune Afrique, L'Express, la revue actuelle, et devient éditeur chez Bellefond, où il publie ses premiers livres sous son vrai nom. Les centres d'intérêt du journaliste, la contre-culture, les marginaux, la communication et la politique. Ses qualités, une aisance stylistique, un ton et une certaine vivacité intellectuelle. Alors, pourquoi un nom d'emprunt? Mais c'est tout simple. Pour lui, en effet, dès que l'on sait qui écrit ou qui parle et que l'on connaît sa fonction, son parcours, on plaque une étiquette. Alors rien de mieux pour briser cette chaîne de représentation que l'anonymat. D'ailleurs, ça marche. Ni économiste, encore moins politicien, son livre de politique fiction est pris très au sérieux, par tous. En réalité, ce soir du 23 septembre 1977, chez Pivot, c'est une répétition générale pour Berkoff, passé maître en subterfuge littéraire et même des murs. Oui, car 4 ans plus tard, un certain 10 mai 1981... Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, effectivement... 25 secondes, pardon. 25. Soyons à l'heure. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. Dans tous les états-majors, un peu partout, dans tous les foyers, on attend ce résultat. Effectivement, vous l'aurez à l'heure précise. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Ce 10 mai 1981, le temps de l'alternance est enfin arrivé. Reste à changer la vie, comme le promet le vainqueur, la rose au poing. Et puis arrive le moment délicat du choix des hommes. Fragile équilibre, ne pas froisser les amitiés anciennes, préserver les alliés du jour et dessiner les alliances futures. Dans cette cour, un homme concentre tous les regards. Il a 38 ans et un CV qui en dit long. Polytechnicien et narque et docteur en économie, il s'appelle Jacques Attali. Il travaille aux côtés de François Mitterrand depuis 1973 et il s'attend à occuper le poste stratégique de secrétaire général de l'Élysée. Mais le nouveau président choisit Pierre Bérégovoy, figure historique du PS. Le prince invente alors un rôle à la mesure de son Machiavel, celui de conseiller spécial. Et parce que le pouvoir, c'est aussi un territoire, tous comprennent, en voyant Attali s'installer dans l'ancien salon des aides de camp qui jouxte le bureau présidentiel, que l'homme occupera une position centrale. En 1981, François Mitterrand et Jacques Attali partagent une même conviction chevillée au corps, le primat du politique sur l'économique. Après la victoire des législatives, le président socialiste charge Pierre Mauroy, son premier ministre, d'enclencher la valse des mesures. Et en un an, la France change. Création de l'impôt sur les grandes fortunes, relèvement du SMIC, allocation familiale, nationalisation à 100%, 39 heures, cinquième semaine de congés payés. Et puis, les réalités de l'économie, les puissances de l'argent rappellent à la gauche qu'elles ne tiennent pas que les cordons de la bourse, mais aussi, d'une certaine façon, du pouvoir. Alors, un an après l'arrivée des socialistes aux affaires, vient le temps où tous reprennent en cœur le mot rigueur. Le Jacques pouvoir Chirac. Socialo-communiste a fait comme la cigale. Il a dansé tout l'été 81 et les mois qui ont suivi. Alors que l'ampleur de la crise exigeait de la rigueur. Mais cette rigueur, nous ne croyons pas qu'elle se suffise elle-même. Il faut la mettre au service d'une ambition. Rigueur et ambition, c'est lié. François Mitterrand. Ce qu'on appelle la politique de rigueur n'est qu'une épreuve de vérité. Henri Krasucki. Nous pensons que la rigueur doit consister en une plus grande cohérence de l'action. Jean-Pierre Chevènement. Je suis un partisan de la rigueur. Nous avons aussi, nous, communistes, le souci d'une gestion saine et rigoureuse. Il faut à l'évidence veiller à la préservation des moyens de l'investissement. Pris en ce sens, le mot rigueur ne nous effraie pas. Pierre Delanoë. Le mot le plus employé, c'est celui de rigueur. Laurent Fabius. La rigueur, c'est nécessaire. C'était nécessaire hier, c'est nécessaire aujourd'hui, c'est nécessaire demain. C'est une espèce de méthode de pensée. On ne fait rien sans rigueur au niveau d'un gouvernement comme au niveau d'une famille. Michel. Et la rigueur qui s'attache dans la solidarité à assainir la situation du pays. Et je le dis aujourd'hui comme je le disais hier, parce que l'on doit le langage de la vérité. Un peuple adulte et responsable, comme l'est le peuple français. Après l'annonce par Jacques Delors, le ministre des Finances, du premier plan de rigueur, le 23 juin 1982, les attaques de la droite sont de plus en plus virulentes. Et dans le camp de la majorité, peu de voix s'élèvent pour répondre. Or, les élections municipales de mars 1983 approchent et la défaite se profile dangereusement. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, souffle Machiavel à l'oreille de François Mitterrand. Bon, eh bien, essayons de limiter la casse et de riposter aux attaques, se dit le prince. Le 3 septembre 1982, au cours d'un voyage en Grèce, une idée germe dans le cerveau fécond du président. Il se tourne vers Jacques Attali, son conseiller qui l'accompagne. Dites-moi, votre ami Berkoff, qui avait rédigé ce livre si drôle sous pseudonyme, ne pourrait-il pas en faire un autre avant les municipales? Hein? Un livre qui dirait sur la droite ce que ni les journalistes ni les socialistes ne disent. Le lendemain, Attali, qui connaît effectivement Berkoff de longue date, l'appelle. André, le président a pensé à toi pour un projet. Berkoff répond que sous cette forme, il sera tout de suite découvert, non? L'affaire Comines ne remonte qu'à 6 ans. Faut trouver une autre idée. Le journaliste demande alors un peu de temps pour réfléchir. Et 4 jours plus tard, il rappelle Attali. Le conseiller l'évoque dans ses fameux vers latines. Jeudi 9 septembre 1982, André Berkoff a eu une idée superbe. Il écrira bien un livre sous pseudonyme, mais cette fois, comme s'il était un homme de droite, cynique, lucide et critique vis-à-vis de son propre camp. Il me suggère un titre. De la reconquête et un pseudonyme, Caton. Le président est enthousiaste, l'accord est passé avec Claude Durand chez Fayard, le livre devra paraître en janvier, François Hollande aidera André Berkoff pour les chiffres. François Hollande, tiens donc, le François Hollande devenu président 29 ans plus tard? Ben oui, on n'en connaît pas d'autre. Mais que vient faire ce nouveau venu? C'est à l'automne 1980 que le jeune Hollande rencontre Attali. Cet homme, tout juste sorti de l'ENA, est accompagné de Ségolène Royal, sa conjointe, elle aussi énarque. Ensemble, ils lui proposent leur service pour la campagne de François Mitterrand. Séduit par ce couple ambitieux et sympathique, Jacques Attali les emmène avec lui à l'Élysée après l'élection de François Mitterrand. Et voilà François Hollande, en septembre 82, embarqué dans la mission Caton. Et c'est grâce aux notes du jeune assistant que Berkoff se met au travail. Il s'inspire d'un livre paru un an auparavant en Italie, étrangement intitulé « Véridique rapport des dernières chances de sauver le capitalisme », rédigé lui aussi sous anonymat par un certain censeur. Envoyé à 500 hommes politiques, journalistes et grands industriels italiens, l'essai reçoit de leur part un accueil élogieux. Pourtant, au fil du texte, censeur légitime le terrorisme d'État italien ou la nécessaire violence du capitalisme. Par ce tour de passe-passe, le situationniste Gianfranco Sanguinetti, le véritable auteur, obtient de manière éclatante une sorte d'aveu de la classe dominante de son pays. Pour son ouvrage, Berkoff compte utiliser la même stratégie. Se faire passer pour un homme politique important de la droite qui décide de dire la vérité sur ce qu'il pense de son propre camp. La thèse est simple, voici comment André Berkoff la couche sur le papier. Ne nous y trompons pas. Nous sommes, certes, au début de la longue marche qui nous ramènera au pouvoir. Et nous ferons tout pour reprendre l'Élysée, puisque celui-ci, osons l'écrire, nous appartient de droit. Nous avons fait la France. Nous ne laisserons pas d'autres la défaire. Mais pour vaincre la gauche, il faudra se débarrasser de la droite étatique, centralisatrice, jacobine, qui a préparé la venue des socialistes en contribuant à faire de notre pays une société d'assistés sous le masque du libéralisme et de la démocratie avancée. Ensuite, il faut viser les principaux rivaux, les plus menaçants pour Mitterrand, à savoir, à l'époque, Giscard et Chirac. Ce n'est point par bêtise ou par médiocrité qu'ont péché nos princes, mais par cette anxiété particulière, cette angoisse du présent qui marque les esprits plus aptes à gérer qu'à innover et qui préfère les petites épures aux grands desseins. La croissance en chute libre requiert des hommes d'État. Nous eûmes de brillants administrateurs. Il ressort assez bien de tout ce qui précède que Giscard et Chirac ont, séparément et contradictoirement, avec une incontestable sincérité et une touchante bonne volonté, fait le lit de la victoire de la gauche. Et ce sont ces mêmes Chirac et Giscard qui veulent aujourd'hui ramener l'opposition au pouvoir. Après une si belle réussite et de si beaux titres de gloire, il est permis, chers compagnons, de nous poser quelques questions. Enfin, profitons-en au passage pour rendre à César ce qui lui revient. C'est Caton qui parle, je vous le rappelle. En d'autres termes, nous, la droite, devons reconnaître certaines vertus à notre adversaire Mitterrand. Au risque de plonger certains de mes amis dans le courroux, j'écrirai tout net ce que certains d'entre nous se contentent de murmurer. De même que De Gaulle nous fit passer de l'empire colonial à l'orée du XXIe siècle, Mitterrand va nous aider à passer sans trop de violence le cap de l'adaptation au monde d'incertitude dans lequel nous sommes entrés depuis 10 ans. Il est en passe de faire accepter aux Français ce que nous n'aurions jamais réussi, l'impossibilité absolue d'assurer désormais à la fois le niveau de vie, la garantie des revenus et la sécurité de l'emploi. Nous disions le contraire, nous mentions. L'exercice n'est pas aisé, parce qu'il faut que ce soit crédible, être à la fois virulent contre la droite sans être trop élogieux pour la gauche. Le but est clair, créer le doute dans le camp de l'opposition, la possibilité d'une dissidence, d'une autre voie, d'une faille, et surtout gagner du temps, oui, parce que pendant que la droite, à la lecture du livre, s'interrogera sur elle-même, le gouvernement aura un peu la paix. Le jeudi 2 décembre 1982, le manuscrit est terminé. Atelier et Mitterrand le relisent. Le premier écrit dans ses notes, jubilatoire, si le canular n'est pas éventé trop vite, on va s'amuser. Le second est ravi. Le 26 janvier 1983, de La Reconquête de Caton sort en librairie. La presse publie ses premiers articles, la critique est bonne, le bouche à oreille commence. Berkoff, alias Caton, homme de droite, donc pour la galerie, répond à des interviews écrites. Les questions des journalistes et les réponses de Berkoff transitent par l'éditeur. Problème toutefois. Pour donner un écho plus important à l'ouvrage, il faut que la télé et la radio en parlent. Bon, pour la télé, ça risque d'être un peu compliqué. Pour la radio, c'est dangereux également. La voix de Berkoff est familière. On se tourne alors vers François Hollande. Lui qui n'est connu que de son immeuble, il pourra répondre à une interview par téléphone à la radio. Aucun problème. Il serait à Berkoff ce que Pavlovitch avait été à Romain Gary, son Émile Ajar, pour l'entourloupe du prix Goncourt avec la vie devant soi, vous vous souvenez? Toujours est-il que le jeune assistant Hollande accepte. Et voilà que le 2 février 1983, il revêt le masque de Caton. Oui, c'est bien lui. Caton est quelque part au téléphone en France. Caton, bonjour. Allô, oui, bonjour. Bien. Alors d'abord, pourquoi ce pseudonyme de Caton? Eh bien, tout simplement parce que il y a des vérités à dire et que ces vérités ne sont pas forcément bonnes à entendre pour tout le monde et qu'à partir de là, j'ai voulu dire la vérité à mes amis d'abord et la vérité aux Français. La vérité, c'est tout simplement que le pouvoir socialiste ne tombera pas comme un fruit mûr et ce qui laisse entendre que nous pouvons, c'est-à-dire nous, la droite, revenir au pouvoir dans les mois qui viennent ou même dans les 2 années qui viennent, se trompe et trompe les Français. J'adjure, mes amis, de se débarrasser des visages qui nous ont conduits là où on en est, c'est-à-dire avec la gauche au pouvoir. Oui, mais alors justement, est-ce que le fait d'avoir pris ce pseudo de Caton, enfin, le fait surtout que vous ne donniez pas votre nom, cela pourrait gêner votre carrière à venir? Je crois, et en plus, nous sommes des milliers de catons en définitive, des milliers qui nous reconnaissons dans ces paroles de vérité, des milliers à espérer que la droite saura faire son renouveau sans ceux qui l'ont amené là où l'on est. Et c'est une erreur, et j'insiste beaucoup là-dessus, de penser que la gauche est fragile, que la gauche est malade. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils ont fait en 2 ans, ce n'est pas simplement de l'effeuillage de la rose, c'est aussi une politique cohérente d'adaptation de la société française, et cela me fait peur. Une vraie pièce de théâtre. Mitterrand producteur, Attali metteur en scène, Berkoff auteur, Hollande régisseur et Durand loueur de salle, voilà les 5 hommes dans la confidence, les maîtres d'œuvre de cette mystification littéraire et politique. Reste à attendre qu'elle porte ses fruits. En face, donc à droite, on n'a plus qu'à démasquer le traître avant de l'écorcher vif, car autant vous le dire, l'opposition est très en colère. When you go away, I won't be following, though I know. Exactly where you'll be going. My hands are tied, through with begging. He tried to run the race, but we've already hit the finish. Alors, c'est donc le dernier jeu à la mode dans les salons politiques ou les salons parisiens, voire les salons tout court. Qui est donc Caton, l'auteur de ce livre étonnant, qui a pour titre de La Reconquête, paru chez Fayard? On a pu croire que l'extraordinaire coup de pub passé, Caton allait enfin se démasquer, que nous allions savoir qui était celui qui porte de tels jugements sur la droite, voire sur la gauche, et puis il semblerait qu'il n'en soit strictement rien. Mais enfin, qui est Caton? Au début de l'année 83, en famille ou devant la machine à café en entreprise, la question est devenue rituelle. Il faut dire que le livre se vend très bien, près de 50 000 exemplaires, un score exceptionnel pour ce genre d'ouvrage. Et chaque Français qui s'intéresse à la politique devient détective. On commence à chercher les indices dans le texte. Les observateurs avisés comprennent rapidement qu'un homme de l'opposition est épargné, Raymond Barre. Autant Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing sont rendus responsables de tous les maux, dont ça ne peut pas être, autant l'ancien Premier ministre, grand donneur de leçons devant l'Éternel, reçoit lui quelques éloges à peine dissimulés. François Mitterrand et André Berkoff le savent, Barre est pour le moment bien moins dangereux que les deux autres. Alors, un petit coup de pouce à son endroit, venant d'un homme important de son camp, ça lui donnera peut-être des ailes et de l'assurance pour affirmer ses ambitions face aux deux ténors habituels de la droite, un ex-président qui rêve de le redevenir et un leader de l'opposition qui y pense tous les jours en se rasant depuis qu'il a l'âge de se raser. Caton crée bel et bien la cacophonie dans les rangs de l'opposition. Le livre de La Reconquête, qui invite la droite, encore groggy par la défaite de 81, à une vaste introspection, fait son effet. Dans les rangs de l'opposition, on entend murmurer « Enfin un homme qui dit ce que tout le monde pense tout bas. Enfin une droite intelligente qui appelle à réfléchir, à penser, à se moderniser, plutôt que de s'attacher uniquement à la reconquête immédiate et aux magouilles électoralistes. » Objectif atteint pour la majorité socialiste qui s'en délecte en pleine bataille des municipales. Caton s'invite même dans la campagne. Comme ici à Belfort, où Louis Mermaz, le président de l'Assemblée nationale, socialiste, le cite en renfort. Un philosophe dénommé Caton, je ne parle pas du Caton de l'Antiquité, un Caton que les renseignements généraux recherchent, ils sont sur les dents, Un philosophe dénommé Caton vient d'écrire un livre intitulé « De la reconquête », de la conquête de la Gaule par César, ça sonne. C'est un homme de droite, ce Caton. Il affirme « Pour se débarrasser de la gauche, il faut d'abord se débarrasser de la droite ». Vaste programme. Nous sommes prêts à l'aider, on a déjà réussi une fois, après on verra. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? Caton est même repris par la presse et les intellectuels de droite. Dans le Figaro du 17 février 1983, on peut lire « Il reste donc à reprendre le pouvoir. Caton n'a pas confiance dans les clubs et sa fidélité au général de Gaulle le rend allergique au parti. Il faut dès maintenant, sans haine mais sans compromis, engager la bataille politique, économique et culturelle de la reconquête. Le pouvoir est au bout de la volonté. Et quel meilleur professeur de volonté espérer que vous, Caton ? » Voilà Caton Bercoff érigé en professeur de la droite, on se pince. Et on imagine le sourire satisfait du président et de son conseiller Attali. Mais malgré le coup Caton, c'est bien une défaite qui se profile pour la majorité au municipal. Il faut donc désamorcer et minimiser l'importance de ce scrutin. Et c'est mon nom et personne, dont François Hollande à l'époque, qui revêt avec gourmandise les habits de Caton pour la seconde fois, en l'occurrence, sur France Inter. Alors Caton, vous avez décidé de ne pas révéler votre véritable identité. Qu'est-ce que vous voulez devenir ? Quelles sont vos intentions ? Une sorte de statue du commandeur qui porterait de temps à autre des jugements sur la politique ? Est-ce que Caton est en train de devenir un personnage politique en lui-même ? Écoutez, d'abord, Caton n'est pas un battleur. Dans la société du spectacle, il a déjà donné. Souvenons-nous de notre premier entretien. Dans ce contexte, il y avait une surenchère pour les municipales de la part de mes amis, une espèce d'incontinence verbale de quelques-uns, une impatience, une imprévoyance. Et aujourd'hui, eh bien, beaucoup ont lu Caton, beaucoup ont ramené le débat à sa juste proportion, ont envisagé une autre stratégie, non seulement pour les municipales, mais pour le reste des opérations. Je suis déjà satisfait du débat d'idées que j'ai lancé. Je pense que la reconquête de la France, c'est la séduction de la France. Et que pour l'instant, entre la technique du soudard et la technique de l'amant éconduit, il faut en arriver à la technique du jeune premier. Je suis là pour donner des conseils aux jeunes premiers. Je crois que, quel que soit le résultat de ces municipales, l'opposition les a ratées. Je veux dire par là qu'elle n'a développé aucun thème nouveau, aucun projet neuf, aucun langage de vérité et de novation. Eh bien, vous verrez, après les municipales, j'essaierai d'être celui qui donne des thèmes, des projets, et celui qui donne un nouveau langage pour que de nouveaux visages apparaissent. Voilà mon ambition. Comme prévu, et malgré le succès du livre, la gauche subit en mars 1983 un cuisant échec. Elle perd 30 villes de plus de 30 000 habitants. Et à Paris, Jacques Chirac, le principal opposant, celui qu'on voulait atteindre justement avec Caton, fait carton plein. Pendant ce temps, la traque de Caton continue. L'homme attire de plus en plus les regards. Toute la classe politique, intellectuelle et médiatique est un temps soupçonnée. Liste non exhaustive des Catons présumés. Marie-France Garraud, François Laubert, Jean-Claude Casanova, Albin Chalandon, Catherine Ney. Le professeur Alexandre Adler déclare qu'il a effectué une étude lexicographique du livre et qu'il en est certain... C'est Alain de Benoît, le penseur de la nouvelle droite. Ce dernier dément. Les paparazzis pistent alors l'éditeur, Claude Durand. Et en avril 1983, des photos sont publiées dans le journal du dimanche. On y voit Durand en pleine discussion dans un parc avec un homme curieusement accoutré. Un chapeau, une pipe, un grand manteau à la Arsène Lupin. Mais toujours de dos, on ne distingue pas son visage. Mais ça chauffe. À l'Élysée, un matin de mai 83, c'est l'hilarité. Le président François Mitterrand reçoit une note des renseignements généraux qui établit, après une enquête approfondie, la liste des personnalités les plus souvent citées et soupçonnées d'être Caton. Commence alors la deuxième phase du plan. Conscient de son effet, l'auteur masqué poursuit son œuvre. À partir de juin 83, il tient une chronique hebdomadaire dans VSD. Pour l'Élysée, voilà un canal tout trouvé pour faire passer ses idées. Alors, après la droite, pourquoi ne pas régler ses comptes avec les quelques voix égarées de la majorité ? Au premier rang, Edmond Maire, le secrétaire général de la CFDT, et Michel Rocard, le ministre du Plan, qui laissent entendre leurs doutes au lendemain de la défaite des municipales quant à la politique de rigueur de Monroy. Caton écrit ainsi dans VSD. Rocard et Maire nous confortent dans l'idée que la gauche en est restée au syndrome de Mendès France. 7 mois de pouvoir, 30 ans d'iconographie. quand on veut garder les mains propres, on ne gouverne plus, on écrit des livres. On ne peut s'empêcher d'entendre là la voix de François Mitterrand derrière Céline de Bercoff. Fine mouche, le journaliste profite de ce succès caché pour écrire un deuxième livre, intitulé celui-là « De la Renaissance ». Là, il baisse le masque de l'homme de droite. Le ton est plus libre, plus proche de ses propres idées. Il en appelle à un renouveau de la pratique politique. Se serait-il pris au jeu ? Le mystère de son identité, lui, s'effrite. Le journal actuel note que 4 pages du premier livre sont l'exacte reproduction de celle des 180 jours de Mitterrand, l'ouvrage de Philippe de Comines, alias Bercoff, publié 6 ans auparavant. Caton serait-il alors un nouveau coup de Bercoff ? Comme pour boucler la boucle, le journaliste décide de révéler le poteau rose sur la même scène, donc sur le plateau d'Apostrophe, le 2 décembre 1983. Bonsoir à tous. À cette 410e émission d'Apostrophe, j'ai donné pour titre une question qu'on pose souvent dans les sondages d'opinion. Êtes-vous plutôt pessimiste ou plutôt optimiste ? Y répondront un économiste, un journaliste économique, un journaliste politique, un dessinateur humoriste et le célèbre et mystérieux Caton. Enfin, mystérieux, plus pour longtemps. Et c'est ainsi que le mystère politico-littéraire qui a tenu la France en haleine pendant 1 an est enfin révélé. Alors si le livre avait été nul, évidemment personne n'aurait parlé de cet ouvrage. Mais le livre était passionnant, il était même intéressant. D'abord il avait un très beau style. Et la chasse au Caton a commencé. Qui était Caton ? Tout le monde se le demandait, aussi bien dans les salles de rédaction que dans les dîners en ville. Et c'est pourquoi je vous présente donc Caton. Qui êtes-vous, monsieur Caton ? Je m'appelle André Bercoff, je suis écrivain, journaliste... Être vivant. C'est ça. Mais alors, vous n'êtes ni un homme politique, ni un haut fonctionnaire, ni un journaliste politique. Je n'ai jamais occupé un siège au Parlement, je n'ai jamais été fonctionnaire dans une administration, et je n'ai jamais été économiste. Oui, mais alors, je vous avais éliminé tout de suite, parce que je le dis très franchement, je considère que vous étiez incapable d'écrire un ouvrage aussi bien documenté sur la politique et sur l'économie. Parce que, tout de même, je me dis qu'il y a quelqu'un qui vous a, non pas écrit, parce que évidemment c'est votre style brillant, mais il y a quelqu'un qui vous a donné des informations, qui vous a aidé. Autrement dit, pour quel homme politique ou pour quel haut fonctionnaire roulez-vous ? Alors je vais vous dire, je roule complètement pour moi, complètement, radicalement, égoïstement. À l'annonce de la véritable identité de Caton dans les milieux politiques, il y a comme une déception à peine voilée. Or, ce n'était qu'un journaliste, entend-on. Oui, enfin, une sorte de réflexe aussi, hein. Après avoir été pris au piège, on minimise. Peut-être, mais l'autre secret, le commanditaire de l'opération, s'il y en a un, on ne le connaît toujours pas. Il faudra attendre encore plusieurs années pour que le mystère Caton soit entièrement dévoilé et qu'on y découvre les rôles tenus par chacun, notamment celui de François Hollande, actuel président de la République. Alors, on ne peut s'empêcher de penser à cette phrase de Voltaire et d'y voir une coïncidence. Celui dont le nom fut choisi par François Hollande et ses camarades pour leur promotion de l'ENA, promotion Voltaire, qui écrivait « La politique, c'est l'art de mentir à propos ». Info musique tout de suite dans notre série « Le journalisme et la politique mènent à tout, mais à condition d'en sortir ». Voici une curiosité, elle est signée d'André Bercoff, dit Caton, qui vient de nous pondre un éditorial, mais en forme de chanson. La dissidence, Caton Bercoff. Pour vivre heureux, vivons cachés, me seriner, mon vieux bébé. J'ai des enfants, mais j'ai grandi, je ne crois plus qu'à ceux qui brillent. J'ai des jeunes cons, révolution, lutte finale et point fermé. Je me suis trompé, aberration, ce que je veux maintenant, c'est arriver. Je danse la dissidence. 2 pas à gauche, 3 pas à droite, on retourne sa veste et on recommence. C'est ça la plus belle danse. C'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. J'avais ma petite et elle m'aimait. C'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle pouvait bien m'apporter pour grimper toujours plus, c'est mieux. Pour maintenant coucher utile, choisir ses potes et ses relations, sauf à passer pour un débile, bien gâcher ses intentions. Et je danse, et je danse, je danse la dissidence. Deux pas à gauche, trois pas à droite, on retourne sa veste et on recommence. C'est ça la plus belle danse, c'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. C'est ça la dissidence. Oui, c'est ça. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le dossier Caton avec notre invité, André Bercoff. Bonjour. Bonjour Fabrice. D'abord, félicitations. Merci. À vous, à France Inter, à votre équipe, parce que je trouve que c'était formidablement fait. D'abord, très bien rythmé, très bien mis en scène. Et les informations, honnêtement, à part des petits détails, sont tout à fait exactes. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Bon, avec des petites choses, mais qui ne sont pas importantes. Mais la rythmique et tout ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, en deux mots, il y a eu un détournement de commande. C'est-à-dire que Attali est effectivement venu me voir, c'était d'ailleurs au festival du film américain de Deauville, et il m'a dit, voilà, François Mitterrand, puisqu'il avait beaucoup aimé les 180 jours de Mitterrand. De Philippe de Comines. De Philippe de Comines. Vous-même. Exactement, moi-même. Et entre parenthèses, juste un mot, c'est toujours intéressant, c'est que j'avais fait la fortune de Jacques Lang. En 1977, je fais le premier gouvernement Mitterrand sous Giscard, quand on pensait que la gauche allait gagner les législatives. Donc, il y aurait la cohabitation, ouais. Voilà. Et je fais ça. Et honnêtement, je suis assez fier de moi, parce que 4 ans après, la moitié du gouvernement était déjà dans mon livre de 1977. Et à un moment donné, je suis avec mon éditeur, et on dit, qu'est-ce qu'ils vont mettre, ministre de la Culture ? Il me dit, ah, mais Jacques Ralit, tu es le communiste à l'époque. J'ai dit, oui, mais j'ai un copain, et bien Jacques Lang, il est à côté de Mitterrand, j'ai dit, mais Lang, mais tu rigoles, Lang, mais j'ai aucune chance de mettre Lang. Et j'ai mis Lang. Et Mitterrand m'a dit, parce qu'il avait... Et c'est vrai que Jacques Lang me dit, je te dois ma carrière, n'exagérons rien, enfin c'est une anecdote. Alors ensuite, c'était détournement de commande, je reviens à ça Fabrice, parce que, effectivement, quand il m'a dit, allez, refaisons, Mitterrand dit, ce serait bien de refaire une politique fiction, vous l'avez dit, j'ai dit non, ça n'a aucun intérêt, on ne va pas refaire les mêmes choses, et c'est là où je me suis, effectivement, j'ai pensé à Sainte-Saure, qui est un livre d'un situationniste paru en 76. Et je me disais, mais montrons un type de droite, un hiérarque de droite, un grand aristocrate de droite, avec le style 18e siècle, qui regarde passer la gauche. Et qui dit, la gauche va gérer le capitalisme aussi bien que nous, on ramassera les morceaux après. Mais évidemment, c'était l'idée de dire, cette droite, elle est complètement ringarde, elle est dépassée, donc débarrassons-nous de cette droite. Mais alors vous, ça vous a excité ce projet-là de... Ah, complètement, complètement. Ouais. Alors honnêtement, je vais vous dire, personne d'entre nous, on était effectivement 4 ou 5 dans la confidence, personne ne croyait que ça a duré 1 an. Oui. On pensait qu'au bout d'un mois, ça allait se savoir. Bon, et puis voilà, quoi. Vraiment, je veux dire. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose. Pourquoi ? C'est ni pour mes beaux yeux, ni pour Hollande, ni pour personne. C'est que l'analyse, elle était extrêmement vraie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi 82 ? Et c'est là qui m'a donné l'idée. C'est que, rappelez-vous, c'est pas 83 le grand tournant. C'est 82 quand c'est Jacques juin Delors... 82, oui, c'est le tournant de la rigueur, mais la oui, pause. C'est juin 82. Voilà, juin 82. D'accord. Et c'est là où je me suis dit, attends, la gauche est en train de se convertir à la rigueur et aux réalités. Les terrifiants pépins de la réalité. Donc, moi, soi-disant aristocrate hiérarque de droite, eh ben, je vais raconter ça. Et vous parlez, vous avez raison, vous dites style, grand style. Hein, oui, parce style que, 18e siècle. Oui, et ça, justement, ce qui est frappant, c'est qu'à cette époque-là encore, un livre pouvait changer les choses, changer le regard de la politique. Aujourd'hui, on lit la 4e de couve, bon, à part le livre de recueil d'entretien donné par François Hollande. C'est autre chose, ça. À Adèle, oui, mais qui fait un vrai événement. Mais bien sinon, sûr. C'est une époque où le livre tient une place, qui ne tient pas fait, aujourd'hui. Tout à fait, hein. Moi, ça m'avait frappé, vous savez, ça a commencé à Libération. Libération a fait 4 pages. Mmh. Avec interview, comme vous disiez, ça passait par Claude Durand, l'éditeur, le regretté éditeur de Fayard. Qu'est-ce qu'ils disent, Libération ? Libération dit, le livre de Caton, c'est l'auberge espagnole des fantasmes politiques français. C'est-à-dire que c'était à ce moment-là, effectivement, les gens se disaient, mais la gauche, rappelez-vous quand même que Mitterrand, pendant 10 ans, avait dit, quiconque fraye avec le capitalisme ne mérite pas le nom de socialisme. C'était vraiment ça. Attention, nous allons tout changer. C'est le discours de 71 d'Épinay. Voilà. Pendant 10 ans, il a tenu jusqu'en 80, il a tenu ce discours. Et tout d'un coup, eh ben, allez, virage à 180 degrés, attention, on découvre la rigueur. Formidable. Qui parlait de rigueur pendant 10 ans? Personne. Donc, voilà. Et c'était intéressant, si vous voulez, de creuser ça et de décrypter ce tournant. Un moment historique pour la gauche, hein, qui n'a cessé de passer du parti socialiste à la française, à une social-démocratie, voire un social-libéralisme. Donc on est au début d'un processus qu'on connaît aujourd'hui avec des résonances saisissantes. Absolument. Mais alors moi, pourquoi je pouvais le dire? Parce que la parole socialiste et Mitterrand le premier, on ne le disait pas. Les Allemands avaient fait Bad Godesberg en 1959. Absolument. L'aggiornamento en disant on est social-démocratie, économie de marché. Plus de référence au marxisme. Voilà. Plus vite. Alors que la gauche française, Non, on n'en parle pas. Non, mais on est toujours marxiste, etc. Mais en fait, on fait de la social-démocratie, mais surtout ne dites rien. Donc, on pouvait faire passer ça et par Caton, et c'est pour ça qu'ils étaient très emballés par. Alors, quand vous dites par cet essai, voilà, ils étaient donc. Alors, François Mitterrand, vous en avez parlé avec lui directement? Alors, juste un mot. Non, pas du tout. Pas du tout. Et je dois dire, ni Attali ni Mitterrand n'ont vu le livre avant qu'il soit fini. Je veux dire, je n'ai pas eu du tout de conseils. En fait. François Hollande est arrivé comment? J'ai dit à Attali, bon, je fais le bouquin, je vois très bien comment le faire. En revanche, sur les chiffres, je ne suis pas économiste, effectivement, et j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui peut vérifier les chiffres. Et il m'a dit, j'ai quelqu'un dans mon équipe, très bien, et j'ai revu un petit bonhomme, un peu rondouillard, il a une lettre très sympathique, François Hollande. Et voilà comment ça s'est passé. Et François Hollande a pris du plaisir à faire ça, une certaine jubilation. François Hollande s'amusait comme un fou, oui, absolument. Il était ravi, il n'y croyait pas. C'est-à-dire, il n'y croyait pas, il disait oui, mais dans 15 jours, tout ça va sauter. Et en même temps, il était absolument fasciné. Et la preuve, c'est que effectivement, à l'époque, j'étais beaucoup plus connu que lui. Heureusement, ça a changé. Et donc, je lui dis, écoute, fais la voix de Caton, parce que moi, El Kabach et Levaille et compagnie vont me reconnaître. Donc, et France Inter, etc. Voilà. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'est intéressant. Ça montre on devient jamais autre chose que ce que l'on est véritablement. Donc ça veut dire que François Hollande, il y a déjà ce côté facétieux qui fait partie du charme du bonhomme, mais qui aussi génère toutes les critiques terribles sous le mot légèreté, et notamment à cause du dernier livre. Vous pensez qu'il y a, c'est déjà, cette caractère se dessine, là. Écoutez, je vais vous donner une autre caractéristique, et en même temps, c'était formidable. J'écris en 88, donc 5 ans après Caton, j'écris un livre qui s'appelait Comment acheter votre prochain président de la République sans risque. C'était pour les élections présidentielles de 88. Je l'écris donc en 87, je mets les candidats, je les présente comme des produits, comme des voitures, des produits de consommation, etc., en disant, écoutez, voilà la fabrication, voilà les additifs, voilà où ils sont bien ou mal, mais attention, la grande différence avec un produit de consommation, c'est que le produit n'est ni échangeable, ni remboursable. Une fois que vous l'avez, vous l'avez. Très bien. Et je parle avec Hollande, que je voyais assez souvent à l'époque, et il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je lui raconte, il me dit, qui y a? Je lui dis, voilà, Le Pen, Rocard, Chirac, Mitterrand, Barre, enfin, tous les gens qui étaient là en 87-88. Et il me dit, Rocard, Delors, tu sais que je les connais très bien. Ah, il me dit, et je lui dis, écoute, si tu peux m'aider, si tu les connais très bien. Il me dit, oui, absolument. Et en fait, il a écrit les 2 chapitres sur Rocard et Delors sont entièrement écrits de la main de François Hollande, qui est le seul nègre que j'ai eu dans ma vie, dans les 44 bouquins que j'ai fait. Voilà. Il y a 2 chapitres du livre entièrement écrits de la main de François Hollande. Vous l'aviez déjà confié, ça? Vous l'aviez... Je ne sais plus, très franchement. Allez, on va dire que c'est la première fois. Merci, André Bercoff. Alors, voilà. On va rester juste un petit peu sur les résonances avec aujourd'hui, donc à travers la figure de François Hollande, puisqu'on en parle. On va écouter une archive. Elle date d'il y a peu, hein. Elle fait suite à la sortie, il y a quelques semaines, de l'ouvrage de Gérard Davet, Fabrice Lhomme, intitulé Un président ne devrait pas dire ça. François Hollande tombe le masque. Tout est dans le titre. Un président ne devrait pas dire ça. Des confidences sur le quinquennat, et notamment sur son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, dont il a du mal à supporter l'agitation. Un lapin Duracell, dit-il, toujours en train de s'agiter. Ajoutant plus cruellement, alors que Nicolas Sarkozy veut se poser en sauveur. On a eu Napoléon, le petit. Eh bien là, ce serait De Gaulle, le petit. Des réflexions qui passent mal à droite. Sarkozy, c'est De Gaulle, le petit. Non, mais il se prend pour Victor Hugo. Il a des confidences qui sont très sérieuses. Mais très franchement, un président de la République n'a pas à faire ses confidences. Hein. On lui demande pas ça, on s'en fout de ses confidences. Mais c'est sur la question de l'islam que le président surprend. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai. Nul n'en doute, parce qu'il veut s'affirmer comme religion dans la République. Et sur le voile, il a cette formulation choc. La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Elle se libérera de son voile et deviendra une Française. Dans les rangs socialistes, on nuance les propos tenus par François Hollande. Ce que dit le président de la République, c'est rappeler le discours finalement traditionnel de la gauche. C'est celui de l'intégration, celui de l'émancipation des femmes. Il ne dit rien de plus, rien de moins dans cette phrase. La droite peut faire des polémiques si elle veut. Enfin, avec cette phrase... Je n'ai pas peur de perdre. Il lève un peu plus le doute quant à sa candidature pour 2017. André Bercoff, est-ce que François Hollande n'aurait pas eu besoin d'un caton aujourd'hui pour faire passer tout ça? Écoutez, si Caton était encore conseiller de Hollande, ce qu'il n'est plus du tout, il lui aurait évidemment dit de ne pas, non seulement ne pas faire ce livre, mais je vais vous dire, moi je crois que... parce que c'est pas ça qui a heurté, rappelez-vous, qu'est-ce qui a heurté dans ce livre au-delà de ce que vous dites, Davé l'homme, oui. Je ne parle pas de Caton, Davé l'homme, c'est sur les juges, sur Bartolone, sur les actions entreprises, vous savez, les actions homo, assassinat de personnes ciblées, etc. Il y a quelque chose, moi, qui vraiment m'interroge, et ça n'a plus rien à voir avec Caton, même s'il y a un côté masqué. Je crois que là, il ne faut pas prendre François Hollande pour plus médiocre qu'il n'est. Moi, je ne pense pas du tout que c'est venu à l'insu de son plein gré. Je pense qu'il le voulait, je pense qu'il savait exactement ce qu'il a fait, et que si c'est paru comme ça, parce qu'il pouvait parfaitement, un président de la République peut dire aux journalistes, attendez, vous êtes bien gentils, mais moi je veux revoir ma copie, même si vous avez enregistré, il peut dire ça comme Davé et l'homme, et Davé et l'homme se serait incliné. Il faut quand même pas raconter des histoires. Je pense, personnellement, c'est une opinion personnelle, une intuition, qu'il a fait ça à dessein. Pourquoi pas faire du tout. C'est quoi le dessein? Le dessein, alors à mon avis, c'est très simple, il sait depuis un an qu'il ne se représentera pas, et il pratique ce que j'appelle une certaine politique d'une certaine terre brûlée. Et je pense qu'il sait parfaitement, et je vais vous dire, je n'en veux pour preuve, que son ami le plus ancien, le plus Jean-Yves Le Drian, a parlé hier de la candidature de Valls. Ce n'est jamais par hasard comment Jean-Yves Le Drian, qui a été l'ami intime, le confident que je connais de tout ça, je crois. Alors ça, encore une fois, je ne parle qu'à titre personnel. Bien sûr, bien sûr. Mais à mon avis, depuis un an et demi, François Hollande, qui est tout sauf bête, qui est tout sauf pas lucide, après on peut dire ce qu'on veut de lui, je pense que pour moi, c'est à dessein. Il sait ce qu'il fait et il le fait à sa manière. Bien. On va revenir à Caton pour terminer cette émission avec deux, trois questions de précision. D'abord, pourquoi Caton? Je rappelle qu'il y en a deux. Hein. Il y a Caton l'ancien, politicien militaire romain qui voulait détruire Carthage et qui a mené une politique ferme à Rome. Et puis il y a Caton le jeune, le stoïcien, l'homme de droiture, je n'ai pas dit de droite, hein, droiture, opposé à César. Non, c'était effectivement Caton le censeur. C'était Caton qui dit « Arrêtez de raconter des histoires, dites la vérité des choses ». Et moi, c'est ça qui m'avait absolument fasciné, c'est pour ça que j'avais envie de Caton. Parce que en fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est, vous savez, en politique, vous le savez très bien, il y a des faux-semblants. Chacun raconte ce qu'il veut, parce que, comme disait l'autre, les promesses n'engagent que celles qui les écoutent. Que ceux qui les écoutent, et il y a la vérité. Et c'est vrai qu'à l'époque, pourquoi Caton a eu ce succès, enfin le livre, c'est parce qu'il disait la vérité de ce temps. Et je crois que c'est toujours fascinant, et on vit aussi une époque tout à fait extraordinaire aujourd'hui, en ce moment, en 2016, Fabrice Drouel, je crois que c'est aussi intéressant de dire la vérité de ce temps, et d'essayer d'être lucide, et non pas s'embâcher, gauche et droite confondues. Je crois que ce qui nous tue, c'est cette hémiplégie. C'est-à-dire que si je suis de gauche, tout ce qui est de droite doit être absolument dégueulasse. Et si je suis de droite, la gauche ne peut être qu'un monstre. C'est pas possible, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que la conciliation des contraires, c'est pas l'immobilisme? Justement, il faut pas concilier les contraires. Il faut essayer de tracer au-delà des contraires. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce pays? Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Quelles sont les forces qui sont en train d'agir dans ce pays? Effectivement, si j'avais refaire Caton aujourd'hui, je ferais un essai sur cette extraordinaire déplacement des plaques tectoniques. Alors, après, est-ce qu'il y avait, là je vais aussi lever le mystère, une volonté de prolonger Caton pour continuer à se servir de ce canal de diffusion dans vos chroniques de VSD? Je vous pose la question tout à fait ouvertement, est-ce que Attali, Mitterrand se sont servis de vous pour faire passer des messages dans VSD? L'attaque contre Rocard et de Montmerle, oui, c'est VSD, hein. Qu'il y ait des conversations avec Attali et une ou deux fois Mitterrand, oui, je ne pense pas qu'ils se sont servis. C'est d'ailleurs de temps en temps, il y a des messages qui passaient. Et effectivement, soyons clairs, à l'époque, si vous voulez, moi j'étais tout à fait, c'est-à-dire cette espèce de guérilla, je ne dirais pas urbaine, mais de guérilla sémantique, m'amusait beaucoup. Et donc, effectivement, mais peut-être à une ou deux exceptions près sur Ocar et compagnie, mais à l'époque, c'est vrai que je pensais aussi, et d'ailleurs, hélas, l'avenir l'a montré, c'est que Rocard était quelqu'un qui, par essence, était un type tout à fait formidable pour l'analyse, mais il était politique comme moi j'étais pape. La politique, c'est un métier de tueur. Rocard était tout sauf un tueur. Rappelez-vous 81, rappelez-vous 88. 81, Rocard se présente. Et il dit cette phrase extraordinaire pour un politique. Je me présente, mais si Mitterrand se présente, je me présente plus. Ah, attends, bien sûr, ou tu te tais, dans ces cas-là, ou tu dis rien. 88, même chose. Il avait une laisse, il le tenait par la laisse. Mitterrand tire la laisse. Et le type se retrouve... Donc, si vous voulez, je n'avais pas beaucoup de peine à dire que Rocard, avec toute l'admiration qu'on peut avoir pour sa lucidité, n'était pas du tout un politique au sens tueur du terme, ce que Mitterrand était. Est-ce que vous avez été touché par ce que j'appellerais le syndrome Pavlovitch, je rappelle aux auditeurs, dans l'affaire Gary Ajar, Romain Gary pense à un moment qu'il va bien falloir que ce Ajar, qui n'existe pas puisque c'est lui-même, soit incarné par une voix, c'est Pavlovitch. Puis Pavlovitch, je dis, c'est bien finalement l'exposition, ça me plaît bien moi. Oui, mais moi je n'avais pas de Romain Gary, Fabrice. C'était moi, Romain Gary. À l'écurrence, non, parce que Attali ne m'avait pas dicté du tout ce bouquin, ni Mitterrand. Donc, si je n'étais pas à la place de quelqu'un. Donc, ce qui m'amusait, c'était être l'auteur, encore une fois. Je vous dis, la commande, c'était un livre de politique fiction. Je l'ai détourné. Et effectivement, s'il y a eu des idées qui sont passées, c'était aussi les miennes. Donc, je n'ai pas eu de problème vis-à-vis de quelqu'un qui était le véritable auteur. Et moi, j'étais le porte-parole. C'est ça qui m'a amusé. Si c'était à refaire, avec la même, là, aujourd'hui, avec le même subterfuge, vous referiez 36 ans après, on a oublié, sauf ceux qui ont quitté l'émission aujourd'hui. Là. Sauf que non, et en plus, vraiment très belle émission. Je dirais qu'on ne prête qu'au riche, ce serait plus difficile aujourd'hui, parce que dès qu'il y a un pseudonyme, je vous dis, on m'appelle, on me dit, ah oui, c'est vous qui avez fait ça, etc. Cela dit, je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, vraiment, alors là, très sincèrement, c'est que je pense qu'il faut y avoir beaucoup de catons, qui sortent catons, pseudonyme ou pas pseudonyme, peu importe, mais qui disent ce qui se passe dans ce pays, en Europe et ailleurs, parce que l'interprétation, et je dirais l'analyse lucide et sans parti pris, et sans sans œillère et sans étiquette, me paraît mais essentiel aujourd'hui, vital. À l'époque, André Berkoff, quand on vous demandait votre couleur politique, vous disiez quoi ? Je suis un homme de gauche, à l'époque, hein ? Oui, à l'époque, je disais que je suis un homme de gauche. Alors, c'est vrai, pour parler aujourd'hui, beaucoup de gens me disent « Ah, mais maintenant, tu es passé à droite. » Alors, je rappelle, effectivement, vous écrivez dans Valeurs Actuelles, un journal porté par les peurs de notre temps. C'est une question, il y a aucun jugement, parce que vous faites exactement absolument ce que vous voulez, mais vous êtes même libre. Je ne suis pas obligé de travailler où je travaille, jamais. C'est vrai, voilà, mais pourquoi vous êtes à Valeurs Actuelles ? Bah, écoutez, c'est très très simple, c'est que j'ai une liberté à Valeurs Actuelles comme au Figaro total, que je ne pourrais pas avoir aujourd'hui dans d'autres journaux, et je fais ce que je sens, mais je vais vous dire, pour être tout à fait clair, je me sens toujours homme de gauche, mais pas de cette gauche de gouvernement. Je trouve qu'il y a eu énormément de choses qui a eu, je dirais pas trahison, qu'il y a eu en tout cas détournement de fonction. Et je le regrette. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment André Berkoff d'être venu nous voir et de nous raconter les coulisses de cette histoire caton, vraiment affriolante. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, caton, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la prise de Neuilly par Nicolas Sarkozy. Il avait moins de 30 ans à l'époque. Moins de 30 ans à peu près votre âge, Vincent Josse, non? Vous êtes un garçon et un confrère délicieux. Nous sommes de la même génération, c'est pour ça que je le dis. Oui, on aura un jour 30 ans, c'est sûr. Alors moi, je vais vous parler, vous connaissez la formule, quand tu aimes, il faut partir. Je vais vous parler des musiciens qui ont choisi ou qui ont dû s'exiler aux États-Unis. Bien, beau programme, à tout à l'heure, Vincent. À tout de suite.